films, 100 fois les mêmes crimes, les mêmes scènes. Elle travaille seule, elle place les gens, dernier fauteuil.

dire qu'on n'est pas les plus malheureux. Oh, mais quand dans l'amour tout s'effondre, toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. mes amis, je suis amoureux. Il est amoureux d'une fille qui ne le sait pas. Ça commence comme ça. Elle a de l'or dans les cheveux. C'est original. Elle est belle comme un top modèle. Sensu, sensuelle. Elle a du style, du sex appeal. Je marchais peinard dans le vieux Québec, quand on s'est croisé, j'ai perdu la tête. Seul sur le trottoir, je suis resté tout bête. Moi j'étais à pied, elle était à bicyclette. Depuis je ne dors plus la nuit, sans des somnifères. J'ai la tête et le cœur à l'envers. Arrête le whisky, je ne sais plus très bien où j'en suis. Va prendre un verre d'air, je la cherche le jour et la nuit. Elle est toute ma vie, elle me rend fou, mais elle s'en fout. On s'est rencontrés dans le vieux Québec, les oiseaux chantaient, on chantait avec. Quand on s'est perdu, je me suis trouvé bête. Moi j'étais à pied, elle avait une bicyclette. Ça ne peut plus continuer comme ça. Le faux, je prierai Lucifer. T'ira en enfer pour que demain je la revoie. Mais qu'est-ce que tu crois? Elle me hante jusqu'à la déprime. M'appelle anonyme, mes amis, je l'ai retrouvée. Comment as-tu fait? Une fée est passée par là. À braquer de bras. Si t'aventures vous visitez les rues de Québec, souvenez-vous de mon histoire. Moi je vous dis bonsoir. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voici l'heure, il est 13h passé de 30 minutes, et bien voici donc le retour de se retrouver avec bien sûr l'accordéon, comme tous les après-midi du dimanche. Voilà donc aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement un bon dimanche ce matin, et puis ainsi que vous allez continuer tout simplement de continuer, de passer un excellent dimanche après-midi avec la musique d'accordéon. Tarder, on va débuter tout de suite avec l'accordéon. Voici donc un morceau de valse suivi du tango et du pasodoble. de vacances et le soleil brille toujours sur ce beau petit coin de France qui sent bon la campagne et l'amour. Prêt à repartir pour la ville quand tout à coup je me dis que de se plaindre est inutile, il suffit de changer de vie. La nature est là qui t'invite, si tu l'aimes, elle te le rendra. Les clochettes et les marguerites parlent d'amour au fond des bois. Le bonheur, c'est un paysage, une fille, un amour passion. Et le vieux clocher du village met du ciel bleu dans mes chansons. Quand le jour s'enfuit, je m'assois et je promène sur la plaine mon regard sans savoir pourquoi. Un tableau changeant se déroule à mes pieds comme dans un rêve. Tel un fleuve, les heures s'écoulent et la nuit tombe sur la terre. Se déroule à mes pieds comme dans un rêve. Tel un fleuve, les heures s'écoulent et la nuit tombe sur la terre. Oh, C'est aussi ça? Voici donc un petit tour du côté de l'Espagne.

Et la Avec du twist et puis juste après un autre morceau avec tout simplement la polka. à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc du country, puis suivi du Fox Charleston. Thank you. donc deux vannes et puis huit de la guinguette. Thank you. choisi donc la Gaguette, et puis juste après, on écoutera le Madison. donc de la polka. voici donc du cha-cha et puis juste après le tango. La musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec de la musette. Un peu de la musette à la... accordéon. que je vous laisse avec la samba. voici donc l'accordéon du Berry. Accroché au mur gris, sur

voici donc l'accordéon Méhanslo. J'irai juste au bout du monde Je pense à toi, tu es loin de Arc-en-ciel. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Du côté de l'Irlande, et puis juste après, on ira faire un petit tour du côté du Boléro. J'ai voulu planter. N'en verra jamais là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades dégoupillées jusqu'à périr. N'a rien aimé sur mon bateau. J'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter un oranger. Buvons un verre, buvons un verre. Allons pêcher, allons pêcher. Pas une guerre, pas une guerre. Ne pourra durer. Voici donc du Tyrol. J'ai découvert un pays merveilleux, un paysage magique et généreux. Et quand on est là-haut dans la montagne, on oublie tout et le bonheur vous gagne. Loin de la ville et de tous les soucis, au coin du feu, dans un chalet fleuri, en écoutant jouer l'accordéon, j'ai composé pour vous cette chanson. C'est en allant au Tyrol que j'ai eu soudain l'idée folle d'écrire pour vous cette mélodie que l'on chante le jour et la nuit. Un air de fête et de bonheur qui va vous réchauffer le cœur. Écoutez ce refrain magique, allez en avant la musique. Restez encore avec le Tyrol et puis juste après on écoutera le Boyon. Arc-en-ciel. Voici du Madison Swing. L'accordéon tout simplement Tahiti. Voici donc du basso. Voilà donc, eh bien, c'est cette musique-là qu'on va se quitter. Il est tout simplement bien 15h58. Voilà donc, eh bien, l'émission se termine. J'espère que vous avez passé bonne fin d'après-midi. Tout simplement, on se retrouve donc, eh bien, dimanche prochain. Mais on se retrouve aussi mardi, tout simplement, à partir de 13h30. Et c'est ainsi, vendredi, pareil, à la même heure. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. De Desporto, conduzida por Paulo Sérgio. Muito boa tarde, vamos até às 11 da noite. Sejam bem-vindos, está no ar a tarde esportiva da Antena 1. A partir de agora estamos em simultâneo com a RDP Internacional, estamos em simultâneo com a RDP Internacional, estamos em simultâneo com a RDP África, Antena 1 Madeira e Açores, isto para além de dezenas de rádios espalhadas por todo o mundo onde se fala português e que se ligam ao som da rádio pública portuguesa. A jornada 32 da Liga Nacional é o prato forte desta emissão. Destaque para o futebol, Clube do Porto Casa Pia, agendado para as 8:30 da noite, e que em caso de derrota dos Dragões pode entregar o título nacional da temporada 22-23 ao Benfica, que ontem goleou o Portimonense em Portimão por 5-1. Mas há mais decisões para serem tomadas. A partir das 3:30 da tarde discute-se a presença na Liga Conferência, com a vitória de Guimarães a entrar em campo em Vila do Conde para defrontar o Rio Ave. E a partir das 6:00 PM em Braga discute-se uma presença na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, também a manutenção quando o Sporting de Braga defrontar o Santa Clara. Todos jogos para acompanharmos com relato nesta emissão que começa agora e vai até às 11 da noite. Desporto, Antena 1. Para já terminou ao início da tarde a edição 23 do Rally de Portugal. Como sempre, teve acompanhamento detalhado aqui na